Bonjour et bienvenue dans cette méditation guidée qui pourra vous aider à réaliser un voyage astral. Prenez quelques instants pour vous installer confortablement. Allongez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et commencez à prendre conscience de votre respiration. Inspirez profondément par le nez, retenez votre souffle un moment. Puis expirez lentement par la bouche. Sentez votre corps se détendre progressivement à chaque respiration. Laissez votre esprit se calmer et se recentrer sur l'instant présent. Nous allons maintenant préparer votre esprit et votre corps pour le voyage astral. Imaginez une lumière blanche et apaisante entrant par le sommet de votre tête. Se répandant lentement à travers tout votre corps. Sentez cette lumière détendre chaque muscle, chaque organe et chaque cellule de votre corps. Avec chaque expiration, laissez-vous aller de plus en plus profondément dans un état de relaxation totale. Visualisez cette lumière blanche créant une bulle de protection autour de vous, vous assurant sécurité et paix pendant tout le voyage. Cette bulle vous protège des énergies négatives et vous permet de voyager en toute sérénité. Maintenant, portez votre attention sur votre respiration. À chaque inspiration, imaginez que vous inhalez de la paix et de la tranquillité. À chaque expiration, laissez partir tout stress ou tension. Ressentez la légèreté qui vous envahit à mesure que vous vous libérez de vos pensées et de vos soucis. Nous allons utiliser la technique de la corde pour faciliter la séparation de votre corps astral de votre corps physique. Imaginez une corde argentée scintillante suspendue juste au-dessus de vous. Concentrez-vous sur cette corde et visualisez-vous en train de tendre la main pour la saisir. Sentez sa texture sous vos doigts, solide et rassurante. En tenant fermement cette corde, commencez à vous tirer lentement vers le haut, sentant votre corps astral se détacher doucement de votre corps physique. Vous pouvez ressentir des vibrations, une sensation de flottement ou de vertige, c'est normal, ne vous y attardez pas. Continuez à tirer sur la corde, montant de plus en plus haut. Sentez la légèreté et la liberté de votre corps astral se libérant. Vous êtes léger comme une plume, libre de toute contrainte physique. Si vous ressentez une résistance, respirez profondément et répétez mentalement. Je suis en sécurité. Je suis libre. Je suis prêt à explorer. Visualisez la résistance se dissoudre à chaque répétition. Continuez à vous élever. Visualisant le monde physique en dessous de vous, de plus en plus éloigné. Vous laissez derrière vous vos soucis et vos préoccupations. Sentez-vous flotter librement dans l'espace astral, un espace infini de paix et de possibilités. Maintenant que vous êtes dans le plan astral, prenez le temps d'explorer et d'interagir avec cet environnement. Laissez votre curiosité vous guider. Laissez votre conscience s'ouvrir aux nouvelles sensations et aux nouvelles visions qui vous entourent. Les couleurs sont peut-être plus vives, les sons plus clairs, vos perceptions sont amplifiées. Vous pouvez rencontrer des guides spirituels, des êtres chers décédés ou d'autres voyageurs astraux. Accueillez-les avec bienveillance et ouverture. N'hésitez pas à leur poser des questions, à échanger avec eux. Explorez les paysages et les environnements qui se présentent à vous. Laissez-vous guider par votre intuition et votre curiosité. Vous pouvez visiter des lieux familiers ou inexplorés, voyager dans le temps, ou même vous envoler vers d'autres dimensions. Si vous souhaitez recevoir des conseils ou des informations, posez vos questions mentalement avec clarté et confiance. Soyez réceptifs aux réponses qui peuvent se manifester sous forme de pensées, d'images, de symboles, de sensations ou même de paroles. N'oubliez pas que vous êtes toujours en contrôle de votre expérience. Si vous ressentez de la peur ou de l'inconfort, vous pouvez visualiser votre bulle de protection se renforcer autour de vous. Vous pouvez également choisir de revenir à votre corps physique à tout moment. Ressentez maintenant la paix et la sérénité que vous avez acquises lors de ce voyage. Il est maintenant temps de revenir doucement à votre corps physique, en gardant ces sensations positives ancrées en vous. Commencez à rediriger votre attention vers la corde argentée qui vous a aidé à vous élever. Visualisez-la clairement. Saisissez-la et commencez à redescendre lentement, à votre rythme. Sentez votre corps astral se rapprocher de votre corps physique. À chaque respiration, rapprochez-vous un peu plus. Ressentez la densité du plan physique vous envelopper à nouveau. Lorsque vous sentez que vous êtes de nouveau aligné avec votre corps physique, prenez quelques instants pour vous reconnecter entièrement. Sentez l'énergie de la lumière blanche vous envelopper de nouveau, réintégrant chaque partie de votre être. Prenez une profonde inspiration et, à l'expiration, ouvrez doucement les yeux. Prenez le temps de vous étirer et de vous réadapter à votre environnement physique. Bougez vos doigts, vos orteils, prenez conscience de votre corps physique et de la sensation de vos vêtements sur votre peau. Vous venez de terminer une méditation guidée pour le voyage astral. Prenez quelques moments pour vous ancrer pleinement dans le moment présent. Buvez de l'eau, Mangez quelque chose de léger si vous en ressentez le besoin, et écrivez vos expériences dans un journal si vous le souhaitez. Cela vous permettra de mieux vous souvenir de vos voyages et de suivre vos progrès. Cette méditation guidée est conçue pour être pratiquée régulièrement avec calme et patience. Plus vous la pratiquerez, plus vos voyages astro deviendront faciles et conscients. Assurez-vous d'être dans un environnement sécurisé et tranquille avant de commencer chaque séance. Bonne exploration.